Oh, dites-moi, dites-moi pourquoi. Pourquoi ce monde est-il comme ça? Pourquoi les hommes tremblent à l'idée d'être dans la ronde? Une grande peur gronde au plus profond de leur ventre. Oh, dites-moi, dites-moi pourquoi. Pourquoi ce monde est-il comme ça? L'humanité est dépassée par les forces qui l'ont créée. À tout vouloir dominer, nous voilà tous condamnés. Et son cœur est noir, son âme meurt, son corps pleure. Mais au fond de lui, l'être humain cherche désespérément la vie. Oh, dites-moi, dites-moi pourquoi. Pourquoi l'amour est-il comme ça? Pourquoi il est interdit d'aimer si tu n'es pas branché, si tu n'es pas abonné à tous ces clichés? Oh, dites-moi, dites-moi pourquoi. Pourquoi l'amour est-il comme ça? Une fille qui t'a dragué vient pour t'exciter, mais son esprit est vide, tu vas coucher avec un androïde. Mais toi, qui est différente, qui a de l'amour dans les veines, lève la tête face à cette vie, car tu le sais que moi je t'aime. Oh, dites-moi, dites-moi pourquoi. Pourquoi cette terre est-elle comme ça? Pourquoi toutes les créatures venues de la nature aimeraient quitter ce monde pour un endroit bien plus sûr? Oh, dites-moi, dites-moi pourquoi. Pourquoi cette terre est-elle comme ça? J'ai peur de voir la vie en face et que le temps me terrasse. Je ne suis pas né d'hier, mais je retournerai en poussière. Et la terre tremble, le ciel gronde, on se morfonde. Mais dans l'attente du dernier jugement, c'est l'univers qui nous surprend. Oh, dites-moi, dites-moi pourquoi. Pourquoi ce monde est-il comme ça? Pourquoi les hommes tremblent à l'idée d'être dans la ronde? Une grande peur gronde au plus profond de leur ventre. Oh, dites-moi, dites-moi pourquoi. Pourquoi ce monde est-il comme ça? L'humanité est dépassée par les forces qui l'ont créée. À tout vouloir dominer, nous voilà tous condamnés. Et son cœur est noir, son âme meurt, son corps pleure. Mais au fond de lui, l'être humain cherche désespérément la vie.